Chapitre 12. Le ressuscité. À mesure qu'ils avançaient, nos voyageurs entendaient plus distinctement les éclats de rire d'une bande d'enfants. « Ce sont mes pensionnaires qui se reposent, » dit Raphaël. « Leurs rires argentins retentissent sous ces voûtes de cristal comme de gais carillons. » Dans une rotonde immense, tout un peuple de babies charmants tournoyait au bruit des chansons. Ils étaient tous là, fillettes et garçons à la chevelure brune, à la chevelure blonde, aux yeux de feu, aux yeux de velours, au teint chaud, au teint d'ivoire. Les unes bâtissaient avec des blocs de cristal d'étincelantes maisonnettes. Ceux-ci jouaient aux billes avec des perles fines, et ceux-là à la marelle avec des palais de rubis. Ces gentilles créatures sont de jeunes âmes privées de baptême, mortes cependant en état de grâce, et que nous soumettons à un stage assez court avant de leur ouvrir à tout jamais le paradis. Hansel n'entendit pas ces dernières paroles. Son attention était captivée par un chérubin qui se désolait, blotti au pied d'une colonne. Le pauvre petit, absorbé par sa douleur, ne voyait rien, n'entendait rien de ce qui se passait autour de lui. De grosses larmes roulaient sur ses joues. « Qu'as-tu donc, cher frère ? » lui demanda Emmanuel de sa voix la plus douce. L'affligé leva la tête. « Oh, vous qui pouvez tout, Seigneur, laissez-moi sortir d'ici !» s'écria-t-il en se jetant à genoux. « Je crois toujours entendre le cri que ma mère a poussé en me perdant. Ses baisers, je ne les lui ai pas rendus. Comment n'ai-je pas trouvé dans la tendresse que j'ai pour elle la force qu'il me fallait pour vivre ? Je vous en supplie, renvoyez-moi auprès de ma mère pour que je la console. » Elle mourra de douleur si je ne reviens pas. Soit, je t'accorde un congé de 30 ans. Tu vas renaître, et ta mère, en t'embrassant, croira caresser un nouveau fils. C'est à toi de te faire oublier à force de tendresse. Vrai, je puis retourner auprès d'elle, vous le permettez? Ah, que vous êtes bon et que je vous aime. Réfléchis bien avant de t'éloigner. Le paradis allait être ouvert dans la vie nouvelle que tu vas entreprendre. Qui sait si tu sortiras vainqueur des épreuves que tu auras à traverser ? Laissez-moi partir, disait le futur ressuscité, sans rien vouloir entendre. Ma mère souffre, ma mère pleure. Va, dit Emmanuel. Raphaël prit l'enfant par la main et s'éloigna. Un ange gardien, convoqué d'urgence, s'approcha. « Suis cette âme qui rentre dans la vie. Ne la perds pas des yeux, tu m'en réponds. » L'ange, s'étant incliné, déploya ses ailes et disparut.